Chapitre 14. Le printemps polaire. Les prisonniers étaient délivrés. Leur joie se manifesta par de chaudes démonstrations et de vifs remerciements au docteur. Le vieux Johnson regretta bien un peu les peaux d'ours brûlées et hors de service, mais ce regret n'influa pas sensiblement sur sa belle humeur. La journée se passa à restaurer la maison de neige qui s'était fort ressentie de l'explosion. On la débarrassa des blocs entassés par les animaux et ses murailles furent rejointoyées. Le travail se fit rapidement à la voix du maître d'équipage, dont les bonnes chansons faisaient plaisir à entendre. Le lendemain, la température s'améliora singulièrement et par une brusque saute de vent, le thermomètre remonta à 15 degrés au-dessus de zéro, moins 9 degrés centigrades. Une différence si considérable fut vivement ressentie par les hommes et les choses. La brise du sud ramenait avec elle les premiers indices du printemps polaire. Cette chaleur relative persista pendant plusieurs jours. Le thermomètre à l'abri du vent marqua même 31 degrés au-dessus de zéro, moins 1 degré centigrade. Des symptômes de dégel vinrent à se manifester. La glace commençait à se crevasser. Quelques jaillissements d'eau salée se produisaient çà et là, comme les jets liquides d'un parc anglais. Quelques jours plus tard, la pluie tombait en grande abondance. Une vapeur intense s'élevait des neiges, c'était de bon augure, et la fonte de ces masses immenses paraissait prochaine. Le disque pâle du soleil tendait à se colorer davantage et traçait des spirales plus allongées au-dessus de l'horizon. La nuit durait 3 heures à peine. Autre symptôme non moins significatif, quelques ptamigans, les oies boréales, les pluviers, les gélinottes revenaient par bandes. L'air s'emplissait peu à peu de ces cris assourdissants dont les navigateurs du printemps dernier se souvenaient encore. Des lièvres, que l'on chassa avec succès, firent leur apparition sur les rivages de la baie, ainsi que la souris arctique dont les petits terriers formaient un système d'alvéoles régulières. Le docteur fit remarquer à ses compagnons que presque tous ces animaux commençaient à perdre le poil, ou la plume blanche de l'hiver, pour revêtir leur parure d'été. Ils se printanisaient à vue d'œil, tandis que la nature laissait poindre leur nourriture sous forme de mousse, de pavots, de saxifrages et de gazon nain. On sentait toute une nouvelle existence percée sous les neiges décomposées. Mais avec les animaux inoffensifs revinrent leurs ennemis affamés. Les renards et les loups arrivèrent en quête de leur proie. Des hurlements lugubres retentirent pendant la courte obscurité des nuits. Le loup de ces contrées est très proche parent du chien. Comme lui, il aboie, et souvent de façon à tromper les oreilles les plus exercées, celles de la race canine par exemple. On dit même que ces animaux emploient cette ruse pour attirer les chiens et les dévorer. Ce fait fut observé sur les terres de la baie d'Hudson, et le docteur put le constater à la Nouvelle-Amérique. Johnson eut soin de ne pas laisser courir ses chiens d'attelage qui auraient pu se laisser prendre à ce piège. Quant à Duke, il en avait vu bien d'autres, et il était trop fin pour aller se jeter dans la gueule du loup. On chassa beaucoup pendant une quinzaine de jours. Les provisions de viande fraîche furent abondantes. On tua des perdrix, des ptamigans et des ortolans de neige, qui offraient une alimentation délicieuse. Les chasseurs ne s'éloignaient pas du Fort Providence. On peut dire que le menu gibier venait de lui-même au devant du coup de fusil. Il animait singulièrement par sa présence ces plages silencieuses et la baie Victoria prenait un aspect inaccoutumé qui réjouissait les yeux. Les 15 jours qui suivirent la grande affaire des ours furent remplis par ces diverses occupations. Le dégel fit des progrès visibles. Le thermomètre remonta à 32 degrés au-dessus de zéro, 0 degré centigrade. Les torrents commencèrent à mugir dans les ravines et des milliers de cataractes s'improvisèrent sur le penchant des coteaux. Le docteur, après avoir déblayé une acre de terrain, y sema des graines de cresson, d'oseille et de cochléaria, dont l'influence antiscorbutique est excellente. Il voyait déjà sortir de terre de petites feuilles verdoyantes, quand tout d'un coup, avec une inconcevable rapidité, le froid reparut en maître dans son empire. En une seule nuit, et par une violente brise du nord, le thermomètre reperdit près de 40 degrés. Il retomba à 8 degrés au-dessous de zéro, moins 22 degrés centigrades. Tout fut gelé. Oiseaux, quadrupèdes, amphibies, disparurent comme par enchantement. les trous à phoques se refermèrent, les crevasses disparurent, la glace reprit sa dureté de granit, et les cascades, saisies dans leur chute, se figèrent en longs pendicules de cristal. Ce fut un véritable changement à vue. Il se produisit dans la nuit du 11 au 12 mai. Et quand Bell, le matin, mit le nez au dehors par cette gelée foudroyante, il faillit l'y laisser. « Oh, nature boréale !» s'écria le docteur un peu désappointé. « Voilà bien de tes coups. Allons, j'en serai quitte pour recommencer mes semis. » Atterras prenait la chose moins philosophiquement, tant il avait hâte de reprendre ses recherches. Mais il fallait se résigner. « En avons-nous pour longtemps de cette température ?» demanda Johnson. « Non, mon ami, non, » répondit Clawbonny. « C'est le dernier coup de patte du froid. Vous comprenez bien qu'il est ici chez lui, et on ne peut guère le chasser sans qu'il résiste. »« Il se défend bien, » répliqua Bell en se frottant le visage. « Oui, mais j'aurais dû m'y attendre, » répliqua le docteur, « et ne pas sacrifier mes graines comme un ignorant, d'autant plus que je pouvais, à la rigueur, les faire pousser près des fourneaux à la cuisine. »« Comment ?» dit Altamont, « vous deviez prévoir ce changement de température. » Sans doute, et sans être sorcier, il fallait mettre mes semis sous la protection immédiate de Saint-Mamère, de Saint-Pancras et de Saint-Servais, dont la fête tombe les 11, 12 et 13 de ce mois. Par exemple, docteur, s'écria Altamont, vous allez me dire quelle influence les trois saints en question peuvent avoir sur la température. Une très grande, si l'on en croit les horticulteurs, qui les appellent les trois saints de glace. Et pourquoi cela, je vous prie ? Parce que généralement il se produit un froid périodique dans le mois de mai, et que ce plus grand abaissement de température a lieu du 11 au 13 de ce mois. C'est un fait, voilà tout. Il est curieux, mais l'explique-t-on ? Demanda l'Américain. Oui, de deux manières. Ou par l'interposition d'une grande quantité d'astéroïdes à cette époque de l'année, entre la Terre et le Soleil, ou simplement par la dissolution des neiges, qui en fondant absorbent nécessairement une très grande quantité de chaleur. Ces deux causes sont plausibles. Faut-il les admettre absolument ? Je l'ignore. Mais si je ne suis pas certain de la valeur de l'explication, j'aurais dû l'être de l'authenticité du fait, ne point l'oublier et ne pas compromettre mes plantations. Le docteur disait vrai. Soit par une raison, soit par une autre, le froid fut très intense pendant le reste du mois de mai. Les chasses durent être interrompues, non pas tant par la rigueur de la température que par l'absence complète du gibier. Heureusement, la réserve de viande fraîche n'était pas encore épuisée, à beaucoup près. Les hiverneurs se retrouvèrent donc condamnés à une nouvelle inactivité. Pendant 15 jours, du 11 au 25 mai, leur existence monotone ne fut marquée que par un seul incident. Une maladie grave, une angine coineuse, qui vint frapper le charpentier inopinément. À ses amygdales fortement tuméfiées et à la fausse membrane qui les tapissait, le docteur ne put se méprendre sur la nature de ce terrible mal, mais il se trouvait là dans son élément, et la maladie, qui n'avait pas compté sur lui sans doute, fut rapidement détournée. Le traitement suivi par Bell fut très simple, et la pharmacie n'était pas loin. Le docteur se contenta de mettre quelques petits morceaux de glace dans la bouche du malade. En quelques heures, la tuméfaction commença à diminuer et la fausse membrane disparut. 24 heures plus tard, Bell était sur pied. Comme on s'émerveillait de la médication du docteur, « C'est ici le pays des angines, » répondit-il. « Il faut bien que le remède soit auprès du mal. »« Le remède est surtout le médecin, » ajouta Johnson, dans l'esprit duquel le docteur prenait des proportions pyramidales. Pendant ses nouveaux loisirs, celui-ci résolut d'avoir avec le capitaine une conversation importante. Il s'agissait de faire revenir Atterras sur cette idée de reprendre la route du Nord sans emporter une chaloupe, un canot quelconque, un morceau de bois, enfin de quoi franchir les bras de mer ou les détroits. Le capitaine, si absolu dans ses idées, s'était formellement prononcé contre l'emploi d'une embarcation faite des débris du navire américain. Le docteur ne savait trop comment entrer en matière, et cependant il importait que ce point fût promptement décidé, car le mois de juin amènerait bientôt l'époque des grandes excursions. Enfin, après avoir longtemps réfléchi, il prit un jour Atterras à part, et avec son air de douce bonté, il lui dit « Atterras, me croyez-vous votre ami ?»« Certes, » répondit le capitaine avec vivacité, « le meilleur, et même le seul. »« Si je vous donne un conseil, » reprit le docteur, « un conseil que vous ne me demandez pas, le regarderez-vous comme désintéressé ?»« Oui, car je sais que l'intérêt personnel ne vous a jamais guidé. Mais où voulez-vous en venir ? Attendez, Hatteras, j'ai encore une demande à vous faire. Me croyez-vous un bon Anglais, comme vous, et ambitieux de gloire pour mon pays ? Hatteras fixa le docteur d'un œil surpris. « Oui, » répondit-il, en l'interrogeant du regard sur le but de sa demande. « Vous voulez arriver au pôle Nord, » reprit le docteur. « Je conçois votre ambition, je la partage. Mais pour parvenir à ce but, il faut faire le nécessaire. Eh bien, jusqu'ici, n'ai-je pas tout sacrifié pour réussir ? » ?»« Non, Hatteras, vous n'avez pas sacrifié vos répulsions personnelles. Et en ce moment, je vous vois prêt à refuser les moyens indispensables pour atteindre le pôle. » « Ah !» répondit Hatteras, « vous voulez parler de cette chaloupe, de cet homme ?»« Voyons, Hatteras, raisonnons sans passion, froidement, et examinons cette question sous toutes ses faces. La côte sur laquelle nous venons d'hiverner peut être interrompue. Rien ne nous prouve qu'elle se prolonge pendant 6 degrés au nord. Si les renseignements qui vous ont amenés jusqu'ici se justifient, nous devons, pendant le mois d'été, trouver une vaste étendue de mer libre. Or, en présence de l'océan Arctique, dégagé de glace et propice à une navigation facile, comment ferons-nous si les moyens de le traverser nous manquent ? » Hatteras ne répondit pas. « Voulez-vous donc vous trouver à quelques miles du pôle Nord, sans pouvoir y parvenir ?» Hatteras avait laissé retomber sa tête dans ses mains. « Et maintenant, reprit le docteur, examinons la question à son point de vue moral. » Je conçois qu'un Anglais sacrifie sa fortune et son existence pour donner à l'Angleterre une gloire de plus. Mais parce qu'un canot fait de quelques planches arrachées à un navire américain, à un bâtiment naufragé et sans valeur, aura touché la côte nouvelle ou parcouru l'océan inconnu, cela pourra-t-il réduire l'honneur de la découverte ? Est-ce que si vous aviez rencontré vous-même sur cette plage la coque d'un navire abandonné, vous auriez hésité à vous en servir ? N'est-ce pas au chef seul de l'expédition qu'appartient le bénéfice de la réussite ? Et je vous demande si cette chaloupe, construite par 4 Anglais, ne sera pas anglaise depuis la quille jusqu'au plat-bord. Hatteras se taisait encore. « Non, fit Claoboni, parlons franchement, ce n'est pas la chaloupe qui vous tient au cœur, c'est l'homme. » « Oui, docteur, oui, répondit le capitaine, cet Américain, je le hais, de toute une haine anglaise, cet homme que la fatalité a jeté sur mon chemin. Pour vous sauver, pour me perdre, il me semble qu'il me nargue, qu'il parle en maître ici, qu'il s'imagine tenir ma destinée entre ses mains et qu'il a deviné mes projets. Ne s'est-il pas dévoilé tout entier quand il s'est agi de nommer ces terres nouvelles ? A-t-il jamais avoué ce qu'il était venu faire sous ces latitudes ? Vous ne m'ôterez pas de l'esprit une idée qui me tue, c'est que cet homme est le chef d'une expédition de découverte envoyé par le gouvernement de l'Union. Et quand cela serait, Hatteras, qui prouve que cette expédition cherchait à gagner le pôle ? L'Amérique ne peut-elle pas tenter, comme l'Angleterre, le passage du Nord-Ouest ? En tout cas, Altamont ignore absolument vos projets, car ni Johnson, ni Bell, ni vous, ni moi, nous n'en avons dit un seul mot devant lui. Eh bien, qu'il les ignore toujours. Il finira nécessairement par les connaître, car nous ne pouvons pas le laisser seul ici. « Et pourquoi ?» demanda le capitaine avec une certaine violence. « Ne peut-il demeurer au Fort Providence ?»« Il n'y consentirait pas, Hatteras. Et puis, abandonner cet homme que nous ne serions pas certains de retrouver au retour, ce serait plus qu'imprudent, ce serait inhumain. Altamont viendra, il faut qu'il vienne. Mais comme il est inutile de lui donner maintenant des idées qu'il n'a pas, ne lui disons rien, et construisons une chaloupe destinée en apparence à la reconnaissance de ses nouveaux rivages. » Hatteras ne pouvait se décider à se rendre aux idées de son ami. Celui-ci attendait une réponse qui ne se faisait pas. « Et si cet homme refusait de consentir au dépeçage de son navire ?» dit enfin le capitaine. « Dans ce cas, vous auriez le bon droit pour vous. Vous construiriez cette chaloupe malgré lui. Il n'aurait plus rien à prétendre. »« Fasse donc le ciel qu'il refuse !» s'écria Hatteras. « Avant un refus, répondit le docteur, il faut une demande. Je me charge de l'affaire. » En effet, le soir même, au souper, Claoboni amena la conversation sur certains projets d'excursion pendant les mois d'été, destinés à faire le relevé hydrographique des côtes. « Je pense, Altamont, dit-il, que vous serez des nôtres. »« Certes, répondit l'Américain, Il faut bien savoir jusqu'où s'étend cette terre de la Nouvelle-Amérique. » Hatteras regardait son rival fixement pendant qu'il répondait ainsi. « Et pour cela, reprit Altamont, il faut faire le meilleur emploi possible des débris du Porpoise. Construisons donc une chaloupe solide et qui nous porte loin. » « Vous entendez, Abel, dit vivement le docteur. « Dès demain, nous nous mettrons à l'ouvrage. » Chapitre 15. Le passage du Nord-Ouest. Le lendemain, Bell, Altamont et le docteur se rendirent au Porpoise. Le bois ne manquait pas. L'ancienne chaloupe du trois-mâts, défoncée par le choc des glaçons, pouvait encore fournir les parties principales de la nouvelle. Le charpentier se mit donc immédiatement à l'œuvre. Il fallait une embarcation capable de tenir la mer et cependant assez légère pour pouvoir être transportée sur le traîneau. Pendant les derniers jours de mai, la température s'éleva. Le thermomètre remonta au degré de congélation, le printemps revint pour tout de bon cette fois et les hiverneurs durent quitter leurs vêtements d'hiver. Les pluies étaient fréquentes, la neige commença bientôt à profiter des moindres déclivités du terrain pour s'en aller en chutes et en cascades. Hatteras ne put contenir sa satisfaction en voyant les champs de glace donner les premiers signes de dégel. La mer libre, c'était pour lui la liberté. Si ses devanciers se trompèrent ou non sur cette grande question du bassin polaire, c'est ce qu'il espérait savoir avant peu. De là dépendait tout le succès de son entreprise. Un soir, après une assez chaude journée, pendant laquelle les symptômes de décomposition des glaces s'accusèrent plus manifestement, il mit la conversation sur ce sujet si intéressant de la mer libre. Il reprit la série des arguments qui lui étaient familiers et trouva, comme toujours dans le docteur, un chaud partisan de sa doctrine. D'ailleurs, ses conclusions ne manquaient pas de justesse. « Il est évident, dit-il, que si l'océan se débarrasse de ses glaces devant la baie Victoria, sa partie méridionale sera également libre jusqu'au nouveau Cornouailles et jusqu'au canal de la Reine. Penny et Belcher l'ont vu tel, ils l'ont certainement bien vu. « Je le crois comme vous, Hatteras, répondit le docteur, et rien n'autorisait à mettre en doute la bonne foi de ces illustres marins. On tentait vainement d'expliquer leur découverte par un effet du mirage, mais ils se montraient trop affirmatifs pour ne pas être certains du fait. J'ai toujours pensé de cette façon, dit Altamont, qui prit alors la parole. Le bassin polaire s'étend non seulement dans l'ouest, mais aussi dans l'est. On peut le supposer, en effet, répondit Hatteras. On doit le supposer, reprit l'Américain, car cette mer libre, que les capitaines Penny et Belcher ont vue près des côtes de la terre Grinnell, Morton, le lieutenant de Ken, l'a également aperçue dans le détroit qui porte le nom de ce hardi savant. Nous ne sommes pas dans la mer de Ken, répondit sèchement Hatteras. Et par conséquent, nous ne pouvons vérifier le fait. Il est supposable, du moins, dit Altamont. Certainement, répliqua le docteur, qui voulait éviter une discussion inutile. Ce que pense Altamont doit être la vérité. À moins de dispositions particulières des terrains environnants, les mêmes effets se produisent sous les mêmes latitudes. Aussi, je crois à la mer libre dans l'est, aussi bien que dans l'ouest. En tout cas, peu nous importe, dit Hatteras. Je ne dis pas comme vous, Hatteras, reprit l'Américain, que l'indifférence affectée du capitaine commençait à échauffer. Cela pourra avoir pour nous une certaine importance. Et quand, je vous prie? Quand nous songerons au retour. Au retour? S'écria Hatteras. Et qui y pense? Personne, répondit Altamont. Mais enfin, nous nous arrêterons quelque part, je suppose. Où cela? Fit Hatteras. Pour la première fois, cette question était directement posée à l'Américain. Le docteur eut donné un de ses bras pour arrêter net la discussion. Altamont ne répondant pas, le capitaine renouvela sa demande. « Où cela ? » fit-il en insistant. « Où nous allons ? » répondit tranquillement l'Américain. « Et qui le sait ? » dit le conciliant docteur. « Je prétends donc, reprit Altamont, que si nous voulons profiter du bassin polaire pour revenir, nous pourrons tenter de gagner la mer de Ken. Elle nous mènera plus directement à la mer de Baffin. « Vous croyez ? » fit ironiquement le capitaine. « Je le crois, comme je crois que si jamais ces mers boréales devenaient praticables, on s'y rendrait par ce chemin qui est plus direct. Oh, c'est une grande découverte que celle du docteur Kane. »« Vraiment ? » fit Hatteras en se mordant les lèvres jusqu'au sang. « Oui, dit le docteur, on ne peut le nier. Il faut laisser à chacun son mérite. » Sans compter qu'avant ce célèbre marin, reprit l'Américain obstiné, personne ne s'était avancé aussi profondément dans le Nord. « J'aime à croire, reprit Hatteras, que maintenant les Anglais ont le pas sur lui. » « Et les Américains ? » fit Altamont. Les Américains ? Répondit Hatteras. Que suis-je donc ? Dit fièrement Altamonte. Vous êtes, répondit Hatteras d'une voix à peine contenue, vous êtes un homme qui prétend accorder au hasard et à la science une même part de gloire. Votre capitaine américain s'est avancé loin dans le nord, mais le hasard seul. Le hasard ? S'écria Altamonte. Vous osez dire que Ken n'est pas redevable à son énergie, à son savoir, de cette grande découverte ? Je dis, répliqua Hatteras, que ce nom de Ken n'est pas un nom à prononcer dans un pays illustré par les Perry, les Franklin, les Ross, les Belcher, les Penny, dans ces mers qui ont livré le passage du Nord-Ouest à l'anglais McClure. McClure, riposta vivement l'Américain. Vous citez cet homme et vous vous élevez contre les bénéfices du hasard. N'est-ce pas le hasard seul qui l'a favorisé ? Non, répondit Hatteras en s'animant. Non, c'est son courage, son obstination à passer 4 hivers au milieu des glaces. Je le crois bien, répondit l'Américain. Il était pris, il ne pouvait revenir. Il a fini par abandonner son navire, l'Investigator, pour regagner l'Angleterre. Mes amis, dit le docteur. D'ailleurs, reprit Altamonte en l'interrompant, laissons l'homme et voyons le résultat. Vous parlez du passage du Nord-Ouest. Eh bien, ce passage est encore à trouver. Hatteras bondit à cette phrase. Jamais question plus irritante n'avait surgi entre deux nationalités rivales. Le docteur essayant encore d'intervenir, vous avez tort, Altamonte, dit-il. Non pas, je soutiens mon opinion, reprit l'entêté. Le passage du Nord-Ouest est encore à trouver, à franchir, si vous l'aimez mieux. McClure ne l'a pas remonté, et jamais jusqu'à ce jour, un navire parti du détroit de Bering n'est arrivé à la mer de Baffin. Le fait était vrai, absolument parlant. Que pouvait-on répondre à l'Américain ? Cependant, Hatteras se leva et dit, « Je ne souffrirai pas qu'en ma présence, la gloire d'un capitaine anglais soit plus longtemps attaquée. » « Vous ne souffrirez pas, » répondit l'Américain en se levant également. « Mais les faits sont là, et votre puissance ne va pas jusqu'à les détruire. »« Monsieur, » fit Hatteras, pâle de colère. « Mes amis, » reprit le docteur, « un peu de calme. Nous discutons un point scientifique. » Le bon Claoboni ne voulait voir qu'une discussion de science, là où la haine d'un Américain et d'un Anglais était en jeu. « Les faits, je vais vous les dire, » reprit avec menace Hatteras, qui n'écoutait plus rien. « Et moi, je parlerai !» riposta l'Américain. Johnson et Bell ne savaient quelle contenance tenir. « Messieurs, » dit le docteur avec force, « vous me permettrez de prendre la parole. »« Je le veux, » dit-il. « Les faits me sont connus comme à vous, mieux qu'à vous, et vous m'accorderez que j'en puis parler sans partialité. »« Oui, oui !» firent Bell et Johnson, qui s'inquiétèrent de la tournure de la discussion et créèrent une majorité favorable au docteur. « Allez, monsieur Claoboni !» dit Johnson, ces messieurs vous écouteront, et cela nous instruira tous. Parlez donc, fit l'Américain. Hatteras reprit sa place en faisant un signe d'acquiescement et se croisa les bras. Je vais vous raconter les faits dans toute leur vérité, dit le docteur, et vous pourrez me reprendre, mes amis, si je mets ou si j'altère un détail. Nous vous connaissons, monsieur Claoboni, répondit Bell, et vous pouvez compter sans rien craindre. Voici la carte des mers polaires, reprit le docteur, qui s'était levé pour aller chercher les pièces du procès. Il sera facile d'y suivre la navigation de McClure et vous pourrez juger en connaissance de cause. Le docteur étala sur la table l'une de ces excellentes cartes publiées par ordre de l'amirauté et qui contenait les découvertes les plus modernes faites dans les régions arctiques. Puis il reprit en ces termes. En 1848, vous le savez, deux navires, l'Herald, capitaine Kellett et le Plover, commandant Moore, furent envoyés au détroit de Bering pour tenter d'y retrouver les traces de Franklin. Leurs recherches demeurèrent infructueuses. En 1850, ils furent rejoints par McClure, qui commandait l'Investigator, navire sur lequel il venait de faire la campagne de 1849 sous les ordres de James Ross. Il était suivi du capitaine Collinson, son chef, qui montait l'entreprise. Mais il le devança, et arrivé au détroit de Bering, il déclara qu'il n'attendrait pas plus longtemps, qu'il partirait seul, sous sa propre responsabilité, et entendez-moi bien, Altamonte, qu'il découvrirait Franklin ou le passage. Altamonte ne manifesta ni approbation ni improbation. Le 5 août 1850, reprit le docteur, après avoir communiqué une dernière fois avec le Plover, McClure s'enfonça dans les mers de l'Est par une route à peu près inconnue. « Voyez, c'est à peine si quelques terres sont indiquées sur cette carte. Le 30 août, le jeune officier relevait le cap Bathurst. Le 6 septembre, il découvrait la terre Baring, qu'il reconnut depuis pour faire partie de la terre de Banks, puis la terre du prince Albert. Alors, il prit résolument par ce détroit allongé qui sépare ces deux grandes îles et qu'il nomma le détroit du prince de Galles. Entrez-y par la pensée avec le courageux navigateur. Il espérait déboucher dans le bassin de Melville que nous avons traversé, et il avait raison de l'espérer. Mais les glaces, à l'extrémité du détroit, lui opposèrent une infranchissable barrière. Alors, arrêté dans sa marche, McClure hiverne de 1850 à 1851, et pendant ce temps, il va au travers de la banquise s'assurer de la communication du détroit avec le bassin de Melville. « Oui, » fit Altamont, « mais il ne le traversa pas. » « Attendez, fit le docteur, pendant cet hivernage, les officiers de McClure parcourent les côtes avoisinantes, Creswell, la terre de Baring, Asvelt, la terre du prince Albert, au sud, et Vignat, le cap Walker, au nord. En juillet, au premier dégel, McClure tente une seconde fois d'entraîner l'investigateur dans le bassin de Melville. Il s'en approche à 20 miles seulement, mais les vents l'entraînent irrésistiblement au sud sans qu'il puisse forcer l'obstacle. » Alors il se décide à redescendre le détroit du prince de Galles et à contourner la terre de Banks pour tenter par l'ouest ce qu'il n'a pu faire par l'est. Il vire de bord. Le 18, il relève le cap Kellet et le 19, le cap du prince Albert, 2 degrés plus haut. Puis, après une lutte effroyable avec les icebergs, il demeure soudé dans le passage de Banks, à l'entrée de cette suite de détroits qui ramènent à la mer de Baffin. « Mais il n'a pu les franchir, » répondit Altamont. « Attendez encore. « Ayez la patience de McClure. » Le 26 septembre, il prit ses positions d'hiver dans la baie de la Mercy, au nord de la terre de Banks, et y demeura jusqu'en 1852. Avril arrive, McClure n'avait plus d'approvisionnement que pour 18 mois. Cependant, il ne veut pas revenir. Il part, traverse en traîneau le détroit de Banks et arrive à l'île Melville. Suivons-le. Il espérait trouver sur ses côtes les navires du commandant Austin, envoyés à sa rencontre par la mer de Baffin et le détroit de Lancastre. Il touche le 28 avril à Winter Harbour, au point même où Paris hiverna 33 ans auparavant. Mais de navires, aucun. Seulement, il découvre dans un cairn un document par lequel il apprend que McClintock, le lieutenant d'Austin, avait passé là l'année précédente et était reparti. Où un autre eût désespéré, McClure ne désespère pas. Il place à tout hasard dans le cairn un nouveau document, où il annonce son intention de revenir en Angleterre par le passage du Nord-Ouest qu'il a trouvé, en gagnant le détroit de Lancastre et la mer de Baffin. Si l'on n'entend plus parler de lui, c'est qu'il aura été entraîné au nord ou à l'ouest de l'île Melville. Puis il revient, non découragé, à la baie de la Mercy, refaire un troisième hivernage de 1852 à 1853. « Je n'ai jamais mis son courage en doute, » répondit Altamont, « mais son succès. »« Suivons-le encore, » répondit le docteur. Au mois de mars, réduit à 2/3 de ration, à la suite d'un hiver très rigoureux où le gibier manqua, McClure se décida à envoyer en Angleterre la moitié de son équipage, soit par la mer de Baffin, soit par la rivière Mackenzie et la baie d'Hudson. L'autre moitié devait ramener l'investigateur en Europe. Il choisit les hommes les moins valides auxquels un quatrième hivernage eût été funeste. Tout était prêt pour leur départ, fixé au 15 avril, quand le 6, se promenant avec son lieutenant Creswell sur les glaces, McClure aperçut, accourant du nord et gesticulant, un homme. Et cet homme, c'était le lieutenant Pym du Herald, le lieutenant de ce même capitaine Kellett, qu'il avait laissé 2 ans auparavant au détroit de Baring, comme je vous l'ai dit en commençant. Kellett, parvenu à Winter Harbour, avait trouvé le document laissé à tout hasard par McClure. Ayant appris de la sorte sa situation dans la baie de la Mercy, il envoya son lieutenant Pym au-devant du hardi capitaine. Le lieutenant était suivi d'un détachement de marins du Herald, parmi lesquels se trouvait un enseigne de vaisseau français, M. Debray, qui servait comme volontaire dans l'état-major du capitaine Kellett. « Vous ne mettez pas en doute cette rencontre de nos compatriotes ?»« Aucunement, » répondit Altamont. Eh bien, voyons ce qui va arriver désormais, et si ce passage du Nord-Ouest aura été réellement franchi. Remarquez que si l'on reliait les découvertes de Parry à celles de McClure, on trouverait que les côtes septentrionales de l'Amérique ont été contournées. « Pas par un seul navire, » répondit Altamont. « Non, mais par un seul homme. » Continuons. McClure alla visiter le capitaine Kellett à l'île Melville. Il fit en 12 jours les 170 miles qui séparaient la baie de la Mercy de Winter Harbour. Il convint avec le commandant du Herald de lui envoyer ses malades et revint à son bord. D'autres croiraient avoir assez fait à la place de McClure, mais l'intrépide jeune homme voulut encore tenter la fortune. Alors, et c'est ici que j'appelle votre attention, alors son lieutenant Creswell, accompagnant les malades et les infirmes de l'investigator, quitta la baie de la Mercy, gagna Winter Harbour, puis de là, après un voyage de 470 miles sur les glaces, il atteignit le 2 juin l'île de Béchet. Et quelques jours après, avec 12 de ses hommes, il prit passage à bord du Phoenix. « Où je servais alors, » dit Johnson, « avec le capitaine Inglefield, et nous revîmes en Angleterre. » Et le 7 octobre 1853, reprit le docteur, Creswell arrivait à Londres après avoir franchi tout l'espace compris entre le détroit de Bering et le cap Farewell. « Eh bien, » fit Hatteras, « être arrivé d'un côté, être sorti par l'autre, cela s'appelle-t-il avoir passé ?» « Oui, » répondit Altamont, « mais en franchissant 470 miles sur les glaces. Et qu'importe ?»« Tout est là, » répondit l'Américain. « Le navire de McClure a-t-il fait la traversée, lui ?»« Non, » répondit le docteur, « car après un 4e hivernage, McClure dut l'abandonner au milieu des glaces. »« Eh bien, dans un voyage maritime, c'est au vaisseau et non à l'homme de passer. Si jamais la traversée du Nord-Ouest doit devenir praticable, c'est à des navires. » Et non à des traîneaux. Il faut donc que le navire accomplisse le voyage, ou à défaut du navire, la chaloupe. La chaloupe, s'écria Hatteras, qui vit une intention évidente dans ces paroles de l'Américain. Altamont, se hâta de dire le docteur, vous faites une distinction puérile, et à cet égard, nous vous donnons tous tort. Cela ne vous est pas difficile, messieurs, répondit l'Américain. Vous êtes 4 contre 1, mais cela ne m'empêchera pas de garder mon avis. « Gardez-le donc !» s'écria Hatteras, « et si bien qu'on ne l'entende plus. »« De quel droit me parlez-vous ainsi ?» reprit l'Américain en fureur. « De mon droit de capitaine !» répondit Hatteras avec colère. « Suis-je donc sous vos ordres ?» riposta Altamont. « Sans aucun doute, et malheur à vous si... » Le docteur, Johnson, Bell intervinrent. Il était temps. Les deux ennemis se mesuraient du regard. Le docteur se sentait le cœur bien gros. Cependant, après quelques paroles de conciliation, Altamont alla se coucher en sifflant l'air national du Yankee Doodle, et dormant ou non, il ne dit pas un seul mot. Hatteras sortit de la tente et se promena à grands pas au dehors. Il ne rentra qu'une heure après et se coucha sans avoir prononcé une parole. Chapitre 16. L'Arcadie boréale. Le 29 mai, pour la première fois, le soleil ne se coucha pas. Son disque vint raser le bord de l'horizon, l'effleura à peine et se releva aussitôt. On entrait dans la période des jours de 24 heures. Le lendemain, l'astre radieux parut entouré d'un halo magnifique, cercle lumineux brillant de toutes les couleurs du prisme. L'apparition très fréquente de ces phénomènes attirait toujours l'attention du docteur. Il n'oubliait jamais d'en noter la date, les dimensions et l'apparence. Celui qui l'observa ce jour-là présentait, par sa forme elliptique, des dispositions encore peu connues. Bientôt, toute la jante criarde des oiseaux reparut. Des bandes d'outardes, des troupes d'oies du Canada, venant des contrées lointaines de la Floride ou de l'Arkansas, filaient vers le nord avec une étonnante rapidité et ramenaient le printemps sous leurs ailes. Le docteur put en abattre quelques-unes, ainsi que 3 ou 4 grues précoces et même une cigogne solitaire. Cependant, les neiges fondaient de toutes parts, sous l'action du soleil. L'eau salée, répandue sur l'Icefield par les crevasses et les trous de phoque, en hâtait la décomposition. Mélangée à l'eau de mer, la glace formait une sorte de pâte sale à laquelle les navigateurs arctiques donnaient le nom de « slush ». De larges mares s'établissaient sur les terres qui avoisinaient la baie et le sol débarrassé semblait pousser comme une production du printemps boréal. Le docteur reprit alors ses plantations. Les graines ne lui manquaient pas. D'ailleurs, il fut surpris de voir une sorte d'oseille poindre naturellement entre les pierres desséchées. Et il admirait cette force créatrice de la nature qui demande si peu pour se manifester. Il sema du cresson dont les jeunes pousses, 3 semaines plus tard, avaient déjà près de 10 lignes de longueur. Les bruyères aussi commencèrent à montrer timidement leurs petites fleurs d'un rose incertain et presque décoloré. D'un rose dans lequel une main inhabile eut mis trop d'eau. En somme, La flore de la Nouvelle-Amérique laissait à désirer. Cependant, cette rare et craintive végétation faisait plaisir à voir. C'était tout ce que pouvaient donner les rayons affaiblis du soleil, dernier souvenir de la Providence, qui n'avait pas complètement oublié ces contrées lointaines. Enfin, il se mit à faire véritablement chaud. Le 15 juin, le docteur constata que le thermomètre marquait 57 degrés au-dessus de zéro, plus 14 degrés centigrades. Il ne voulait pas en croire ses yeux, mais il lui fallut se rendre à l'évidence. Le pays se transformait. Des cascades innombrables et bruyantes tombaient de tous les sommets caressés du soleil. La glace se disloquait et la grande question de la mer libre allait enfin se décider. L'air était rempli du bruit des avalanches qui se précipitaient du haut des collines dans le fond des ravins, et les craquements de l'icefield produisaient un fracas assourdissant. On fit une excursion jusqu'à l'île Johnson. Ce n'était réellement qu'un îlot sans importance, aride et désert. Mais le vieux maître d'équipage ne fut pas moins enchanté d'avoir donné son nom à ces quelques rochers perdus en mer. Il voulut même le graver sur un roc élevé et pensa se rompre le cou. Hatteras, pendant ses promenades, avait soigneusement reconnu les terres jusqu'au-delà du cap Washington. La fonte des neiges modifiait sensiblement la contrée. Des ravins et des coteaux apparaissaient là où le vaste tapis blanc de l'hiver semblait recouvrir des plaines uniformes. La maison et les magasins menaçaient de se dissoudre. Il fallait souvent les remettre en bon état. Heureusement, les températures de 57 degrés sont rares sous ces latitudes, et leur moyenne est à peine supérieure au point de congélation. Vers le 15 du mois de juin, la chaloupe était déjà fort avancée et prenait bonne tournure. Tandis que Bell et Johnson travaillaient à sa construction, quelques grandes chasses furent tentées, qui réussirent bien. On parvint à tuer des rennes. Ces animaux sont très difficiles à approcher. Cependant, Altamonte mit à profit la méthode des Indiens de son pays. Il rampa sur le sol en disposant son fusil et ses bras de manière à figurer les cornes de l'un de ces timides quadrupèdes. Et de cette façon, arrivé à bonne portée, il put les frapper à coup sûr. Mais le gibier par excellence, le bœuf musqué, dont Parry trouva de nombreux troupeaux à l'île Melville, ne paraissait pas hanter les rivages de la baie Victoria. Une excursion lointaine fut donc résolue, autant pour chasser ce précieux animal que pour reconnaître les terres orientales. Hatteras ne se proposait pas de remonter au pôle par cette partie du continent, mais le docteur n'était pas fâché de prendre une idée générale du pays. On se décida donc à faire une pointe dans l'est du fort Providence. Altamonte comptait chasser, Duke fut naturellement de la partie. Donc, le lundi 17 juin, par un joli temps, le thermomètre marquant 41 degrés, plus 5 degrés centigrades, dans une atmosphère tranquille et pure, les trois chasseurs, armés chacun d'un fusil à deux coups, de la hachette, du couteau à neige et suivis de Duke, quittèrent Dr. House à 6 heures du matin. Ils étaient équipés pour une excursion qui pouvait durer 2 ou 3 jours. Ils emportaient des provisions en conséquence. À 8 heures du matin, Hatteras et ses deux compagnons avaient franchi une distance de 7 miles environ. Pas un être vivant n'était encore venu solliciter un coup de fusil de leur part, et leur chasse menaçait de tourner à l'excursion. Ce pays nouveau offrait de vastes plaines qui se perdaient au-delà des limites du regard. Des ruisseaux nés d'hier les sillonnaient en grand nombre, et de vastes mares, immobiles comme des étangs, miroitaient sous l'oblique éclat du soleil. Les couches de glace dissoutes livraient au pied un sol appartenant à la grande division des terrains sédimentaires dus à l'action des eaux, et si largement étendu à la surface du globe. On voyait cependant quelques blocs erratiques d'une nature fort étrangère au sol qu'ils recouvraient, et dont la présence s'expliquait difficilement. Mais les schistes ardoisés, les divers produits des terrains calcaires, se rencontraient en abondance, et surtout des espèces de cristaux curieux, transparents, incolores et doués de la réfraction particulière aux spathes d'Islande. Mais bien qu'il ne chassât pas, le docteur n'avait pas le temps de faire le géologue. Il ne pouvait être savant qu'au pas de course, car ses compagnons marchaient rapidement. Cependant, il étudiait le terrain, et il causait le plus possible, car sans lui, un silence absolu eût régné dans la petite troupe. Altamonte n'avait aucune envie de parler au capitaine, qui ne désirait pas lui répondre. Vers les 10 heures du matin, les chasseurs s'étaient avancés, d'une 12aine de miles dans l'est. La mer se cachait au-dessous de l'horizon. Le docteur proposa une halte pour déjeuner. Ce repas fut pris rapidement. Au bout d'une demi-heure, la marche recommença. Le sol s'abaissait alors par des rampes douces. Certaines plaques de neige conservées, soit par l'exposition, soit par la déclivité des rocs, lui donnaient une apparence moutonneuse. On eût dit des vagues déferlant en pleine mer par une forte brise. La contrée présentait toujours des plaines sans végétation que pas un être animé ne paraissait avoir jamais fréquentées. « Décidément, dit Altamont au docteur, nous ne sommes pas heureux dans nos chasses. Je conviens que le pays offre peu de ressources aux animaux. Mais le gibier des terres boréales n'a pas le droit d'être difficile. Il aurait pu se montrer plus complaisant. » « Ne nous désespérons pas, répondit le docteur. La saison d'été commence à peine. Et si Perry a rencontré tant d'animaux divers à l'île Melville, il n'y a aucune raison pour n'en pas trouver ici. » « Cependant, nous sommes plus au nord, répondit Hatteras. Sans doute, mais le nord n'est qu'un mot dans cette question. C'est le pôle du froid qu'il faut considérer, c'est-à-dire cette immensité glaciale au milieu de laquelle nous avons hiverné avec le Forward. Or, à mesure que nous montons, nous nous éloignons de la partie la plus froide du globe. Nous devons donc retrouver au-delà ce que Parry, Ross et d'autres navigateurs rencontrèrent en deçà. Enfin, fit Altamont, avec un soupir de regret, jusqu'ici nous faisons plutôt métier de voyageurs que de chasseurs. Patience, répondit le docteur. Le pays tend à changer peu à peu, et je serais bien étonné si le gibier nous manque dans les ravins où la végétation aura trouvé moyen de se glisser. Il faut l'avouer, répliqua l'Américain, que nous traversons une contrée bien inhabitée et bien inhabitable. Oh, bien inhabitable, c'est un gros mot, repartit le docteur. Je ne crois pas aux contrées inhabitables. L'homme, à force de sacrifices, en usant génération sur génération, avec toutes les ressources de la science agricole, finirait par fertiliser un pareil pays. « Vous pensez ? » fit Altamont. « Sans doute. Si vous alliez aux contrées célèbres des premiers jours du monde, au lieu où fut Thèbes, où fut Ninive, où fut Babylone, dans ces vallées fertiles de nos pères, il vous semblerait impossible que l'homme y eût jamais pu vivre. » Et l'atmosphère même s'y est viciée depuis la disparition des êtres humains. C'est la loi générale de la nature qui rend insalubres et stériles les contrées où nous ne vivons pas comme celles où nous ne vivons plus. Sachez-le bien, c'est l'homme qui fait lui-même son pays, par sa présence, par ses habitudes, par son industrie, je dirais plus, par son haleine. Il modifie peu à peu les exhalaisons du sol et les conditions atmosphériques et il assainit par cela même qu'il respire. Donc qu'il existe des lieux inhabités, d'accord, mais inhabitables, jamais. En causant ainsi, les chasseurs devenus naturalistes marchaient toujours, et ils arrivèrent à une sorte de vallon largement découvert, au fond duquel serpentait une rivière à peu près dégelée. Son exposition au midi avait déterminé sur ses bords et à mi-côte une certaine végétation. Le sol y montrait une véritable envie de se fertiliser. Avec quelques pousses de terre végétale, il n'eût pas demandé mieux que de produire. Le docteur fit observer ces tendances manifestes. « Voyez, dit-il, quelques colons entreprenants ne pourraient-ils, à la rigueur, s'établir dans cette ravine ? Avec de l'industrie et de la persévérance, ils en feraient tout autre chose, non pas les campagnes des zones tempérées, je ne dis pas cela, mais enfin un pays présentable. Et si je ne me trompe, voilà même quelques habitants à quatre pattes. « Les gaillards connaissent les bons endroits. »« Ma foi, ce sont des lièvres polaires !» s'écria Altamont en armant son fusil. « Attendez !» s'écria le docteur. « Attendez, chasseurs enragés ! Ces pauvres animaux ne songent guère à fuir. Voyons, laissons-les faire, ils viennent à nous. » En effet, trois ou quatre jeunes lièvres, gambadant parmi les petites bruyères et les mousses nouvelles, s'avançaient vers ces trois hommes, dont ils ne paraissaient pas redouter la présence. Ils accouraient avec de jolis airs naïfs qui ne parvenaient guère à désarmer Altamont. Bientôt, ils furent entre les jambes du docteur et celui-ci les caressa de la main en disant « Pourquoi des coups de fusil à qui vient chercher des caresses? La mort de ces petites bêtes nous est bien inutile. » « Vous avez raison, docteur, répondit Hatteras, il faut leur laisser la vie. » « Et à ces ptarmigans qui volent vers nous, s'écria Altamont. À ces chevaliers qui s'avancent gravement sur leurs longues échasses. Toute une gente emplumée venait au-devant des chasseurs, ne soupçonnant pas ce péril que la présence du docteur venait de conjurer. Duke lui-même, se contenant, demeurait en admiration. C'était un spectacle curieux et touchant que celui de ces jolis animaux qui couraient, bondissaient et voltigeaient sans défiance. Ils se posaient sur les épaules du bon Claoboni, ils se couchaient à ses pieds, Il s'offrait d'eux-mêmes à ces caresses inaccoutumées. Ils semblaient faire de leur mieux pour recevoir chez eux ces hôtes inconnus. Les oiseaux, nombreux, poussant de joyeux cris, s'appelaient l'un l'autre, et il en venait des divers points de la ravine. Le docteur ressemblait à un charmeur véritable. Les chasseurs continuèrent leur chemin en remontant les berges humides du ruisseau, suivis par cette bande familière, et, à un tournant du vallon, ils aperçurent un troupeau de 8 ou 10 rennes qui broutaient quelques lichens à demi enterrés sous la neige, animaux charmants à voir, gracieux et tranquilles, avec ces andouillés dentelés que la femelle portait aussi fièrement que le mâle. Leur pelage, d'apparence laineuse, abandonnait déjà la blancheur hivernale pour la couleur brune et grisâtre de l'été. Ils ne paraissaient ni plus effrayés ni moins apprivoisés que les lièvres ou les oiseaux de cette contrée paisible. Telles durent être les relations du premier homme avec les premiers animaux au jeune âge du monde. Les chasseurs arrivèrent au milieu du troupeau sans que celui-ci eût fait un pas pour fuir. Cette fois, le docteur eut beaucoup de peine à contenir les instincts d'Altamonte. L'Américain ne pouvait voir tranquillement ce magnifique gibier sans qu'une ivresse de sang lui montât au cerveau. Atterras regardait d'un air ému ces 12 bêtes qui venaient frotter leurs naseaux sur les vêtements du docteur, l'ami de tous les êtres animés. « Mais enfin, disait Altamonte, est-ce que nous ne sommes pas venus pour chasser ?»« Pour chasser le bœuf musqué, répondit Claoboni, et pas autre chose. Nous ne saurions que faire de ce gibier. Nos provisions sont suffisantes. Laissez-nous donc jouir de ce spectacle touchant de l'homme se mêlant aux ébats de ces paisibles animaux et ne leur inspirant aucune crainte. « Cela prouve qu'ils ne l'ont jamais vu, » dit Atterras. « Évidemment, » répondit le docteur, et de cette observation on peut tirer la remarque suivante, c'est que ces animaux ne sont pas d'origine américaine. « Et pourquoi cela ?» dit Altamonte. « S'ils étaient nés sur les terres de l'Amérique septentrionale, ils sauraient ce qu'on doit penser de ce mammifère bipède et bimane qu'on appelle l'homme, et à notre vue, ils n'auraient pas manqué de s'enfuir. » Non, il est probable qu'ils sont venus du Nord, qu'ils sont originaires de ces contrées inconnues de l'Asie dont nos semblables ne se sont jamais approchés, et qu'ils ont traversé les continents voisins du pôle. Ainsi, Altamonte, vous n'avez pas le droit de les réclamer comme des compatriotes. « Oh !» répondit Altamonte, « un chasseur n'y regarde pas de si près, et le gibier est toujours du pays de celui qui le tue. « Allons, calmez-vous, mon brave Nemrod. Pour mon compte, je renoncerais à tirer un coup de fusil de ma vie plutôt que de jeter l'effroi parmi cette charmante population. Voyez, Dieu lui-même fraternise avec ces jolies bêtes. Croyez-moi, restons bons quand cela se peut. La bonté est une force. » « Bien, bien, » répondit Altamonte, qui comprenait peu cette sensibilité. « Mais je voudrais vous voir avec votre bonté pour toute arme au milieu d'une bande d'ours ou de loups. Oh, je ne prétends point charmer les bêtes féroces, répondit le docteur. Je crois peu aux enchantements d'Orphée. D'ailleurs, les ours et les loups ne viendraient pas à nous, comme ces lièvres, ces perdrix et ces rennes. Pourquoi pas, répondit Altamonte, s'ils n'avaient jamais vu d'homme. Parce que ces animaux-là sont naturellement féroces, et que la férocité, comme la méchanceté, engendre le soupçon. C'est une remarque que les observateurs ont pu faire sur l'homme aussi bien que sur les animaux. Qui dit méchant dit méfiant, et la crainte est facile à ceux-là qui peuvent l'inspirer. Cette petite leçon de philosophie naturelle termina l'entretien. Toute la journée se passa dans cette ravine que le docteur voulut appeler l'Arcadie boréale, à quoi ses compagnons ne s'opposèrent nullement, et le soir venu, après un repas qui n'avait coûté la vie à aucun des habitants de cette contrée, les trois chasseurs s'endormirent dans le creux d'un rocher, disposés tout exprès pour leur offrir un confortable abri.